Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullahu ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimouns. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ندخل إن شاء الله في الدرس الأول la première leçon وهذا الدرس يتعلق ب إن هذا الدرس il est relatif à إن c'est un حرف comme tu vas le voir حرف نصب وتوكيد également ce درس يتعلق ب العدد 100 le chiffre 100 comment le dénombrer bien après en gros il y a aussi que ذو on va prendre ذو qui est parmi les اسماء الخمسة نعم mais le principal de ce vers c'est إن حرف إن طيب سنبدأ بقراءة النص أولا فتأخذ هاشم مؤنث تأخذ المدرس وسنترجم إن شاء الله النص جملة جملة فيما يحتاج إليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير؟ نعم. نقلا كيف حالك يا أستاذ معلوف؟ كما فتي يا بروفيسور؟ لعلك بخير؟ Là, la Allah, c'est aussi un harf qu'on va voir dans ce ders, qui peut avoir plusieurs sens. Et là, dans cette phrase-là, c'est j'espère que tu vas bien en fait. La Allah kabi khayr, et kanakatajou, kanakatakul arjou na kabi khayr, j'espère que tu vas bien. La Allah, il vient avec d'autres sens. Naam. Mudarris yakul, alhamdulillah, wa kayfa haluka anta ya Hashim, ana uhibbuka kathira, ya Hashim, innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhukhuluk. من باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ donc مدرس يدي الحمد لله. comment vas-tu؟ toi ou Hashim؟ je t'aime énormément ou Hashim. tu es certes un étudiant intelligent et studieux et de bon comportement. et là pareil là dans la phrase il dit إنك طالب. طيب إنك فهنا dans ce vers on va prendre aussi إن c'est un حرف نصب وتوكيل c'est-à-dire c'est un حرف qui sert à appuyer Taïeb, appuyer une chose. Nous, on traduirait par certes. Généralement, on ne parle pas comme ça, mais dans le Coran, tu vas voir souvent Innaka, Innahum, Ilaghal Zalika. Et ça, c'est un tawkil, c'est pour renforcer et affirmer la phrase. Et il dit Amin Pakistan, Anta, Amin al-Hindiya Hashim. Es-tu du Pakistan ou de l'Inde, ou Hashim Inni min al-Hindi. Donc là, c'est certes, je suis de l'Inde. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ donc ton camarade celui qui vient de sortir à l'instant de la classe est-il également de l'Inde؟ لا إنه من باكستان. il dit non il est certes du Pakistan. مدرس يقول إن ساعتك جميلة يا هاشم أمن اليابان هي؟ donc le مدرس dit certes ta montre est jolie ou هاشم est-elle du Japon؟ et là pareil إن Là, on voit que Inna, comme c'est le verbe dans Dars, lorsqu'il y a un nom qui vient derrière lui, eh ben, il devient Mansoub. Tu dis Inna Sa'ataka. Et on va comprendre pourquoi. La Inna min al-Hindi. Donc il dit non, elle est certainement de l'Inde. Mudarris c'est cool. Eraliatun M. Eraliatun hiya M. Rakhisa. Donc il dit est-elle chère ou bien à bas prix? Inna Rakhisa Jiddan. إنها بمئة روبية بمئة روبية فقط. donc il dit certainement elle n'est pas chère, elle est vraiment pas chère, elle dit donne. et elle n'est que 200 roubis. roubis c'est la monnaie indienne. on dirait c'est cool. كم أخن لك يا هاشم؟ donc combien de frères as-tu يا هاشم؟ لي ثلاثة إخوة. Hashim dit, j'ai trois frères. المدرس يقول الطلاب هم est-ce qu'ils sont des étudiants لا إنهم تجار donc il dit non ce sont certes des commerçants المدرس يقول وكم أخت لك et combien de sœurs as-tu لي أربع أخوات donc Hashim dit j'ai quatre sœurs المدرس يقول أفي الهند هن الآن sont-elles en Inde actuellement لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. نعم. Donc Hashim dit non, elles sont certainement actuellement ou là-bas à Medina. Et on avait déjà fait un tambih par rapport à Munawwara que l'authentique c'est de dire al-Nabawiya. Mais Munawwara c'est une expression qui est employée par les soufis. Mais en vrai, quand on parle de Medina, Medina tel Rasoul, on dit al-Medina al-Nabawiya. Munawwara, ça a évité de, une formule d'habitude employée. Donc il dit, donc on répète, il dit non, elles sont certes là-bas, à Al-Médina, dans la Médine prophétique, avec mon père et ma mère. Est-ce qu'elles sont des étudiantes ? Non, elles sont des étudiantes. Donc il dit non. Hashim dit non, elles sont certainement des enseignantes dans l'école Sanawiya, c'est le collège. Je me rappelle bien, à chaque fois je me trompe entre le collège et le lycée. C'est l'un des deux. Et les petits Daïa, c'est la primaire, Sanawiya, je crois que c'est le collège normalement. Ça doit être le collège. Non. Taïb. Donc en même temps qu'on a traduit, on a vu les Kalimat Jadida, si jamais il y en avait. Par exemple, il y avait quoi ? Il y avait Zakiyoun, Innaka Talibun Zakiyoun, ou Mushtahidun, ou Zoukhulukin. Zakiyoun, c'est intelligent. Mushtahidun Marlouf, c'est studieux. Ou Zoukhulukin, on va voir le der, c'est, il concerne ce point, le fait de mettre Zou avec un mot qui va derrière, Moudofilehi. Et là, quand on dit « Zoukhulukin », c'est quelqu'un qui a de bonnes manières, de bons comportements. Il y avait également comme nouveau mot « Ghaliya ». « Ghaliya », c'est le mot « annaf » de « ghalin », qui veut dire « cher ». Vous voyez ?« Ghalin », c'est quelque chose de cher. Et son « axe », vous axuhu » et son contraire « rakhisa », c'est « peu cher ». Il y a un nouveau nom, c'est Mia. Il va venir, Inch'Allah, Kazalik, Nanders. Et tout le reste, Inch'Allah, c'est Marlouf. Taïb. Al-An, Tamarin, Sayakoun, El-Awwal, Wassani, Fil-Bayt. Le premier et deuxième à la maison, car ils ont un lien avec le texte. Taïb. Maintenant, on va entrer dans ce qui concerne Inna. Inna. Il t'a dit le nom. Inna. Taïeb. Inna, c'est harf. Nov. Wa. Tawkid. Taïeb. Harf nov wa tawkid. Ça veut dire que quand on dit harf nov, c'est-à-dire c'est un harf, c'est pas un ism, c'est pas un fi'l. Comme on a dit, les mots en arabe sont de trois catégories. Imma, ism, un nom. Imma, fi'l, un verbe. Ou imma, harf. Il n'y a pas un quatrième. Donc, inna, c'est un harf. Taïeb. Harf, nazm. C'est-à-dire que le nom qui va venir après va être mansoub. Parmi les mansoubat et le jadida. Parmi les nouveaux mansoub qu'on va prendre, c'est le nom qui vient après inna. Taïeb. Donc, son travail, c'est un mansoub, le nom qui vient après elle. Pour le sens, comme on a dit, c'est elle confirme, elle appuie. Vous voyez, elle appuie le sens de la phrase. Si c'est une affirmation, elle la tient plus, si c'est une négation, elle est pareille. Donc c'est pour ça qu'on dit harf naf wa tawkid. Vous voyez, tawkid c'est le fait d'appuyer une chose, de confirmer une chose. Inna wa khawatuha, elle a des sœurs. D'autres hurufs qu'on verra plus tard qui font le même travail qu'elle par rapport à la grammaire. Maintenant, c'est d'autres sens. Il y a d'autres sens. Mais le travail par rapport au mot qui vient d'ailleurs sera le même. Maintenant, inna, mafalan, c'est un harf qui rentre dans les jumla ismiya, fakat. Comme on avait appris dans le kitab Awel, al jumla al akismain, sont deux catégories. Jumla ismiya, celle qui commence par un nom, ou jumla fi'liya, celle qui commence par un verbe. Donc inna, elle ne rentre que sur la jumla ismiya. Mathalan, tu dis huwa. طيب هو هو سلفي طيب هو سلفي هكذا هو لا سي كوا ما يعرضه مبتدا طيب سلفي خبر دونك لا بس الجمله العين جمله اسميه خبر مبتدا. Bah, c'est dans ce genre de phrase que Inna va rentrer. Maintenant, on dit tu vas mettre Inna sur cette phrase-là. Comment ça va faire? Tu vas être obligé de changer l'écriture et tu vas dire là, tu es obligé de prendre le domir Huwa, c'est un domir mun fasil. Maintenant, il va être muttasil, il va s'accrocher à Inna. Tu vas dire Innahu. Innahu salafiyun. C'est le même sens, sauf que là, la phrase est plus forte. Il est certes salafi. C'est-à-dire Innahu salafiyun. Innahu salafiyun. Avant, ce roi, c'était le mutada, on avait dit. D'accord. Et salafiyun, c'était le khabar. Enfin, maintenant, on a changé. Rayyabna irab adil jumla. C'est-à-dire, la grammaire de cette phrase, maintenant, son analyse grammaticale, elle a changé. Ce domir-là, muttasil, c'est plus un mutada. Il a un nouveau statut maintenant. Inna, ça reste inna. Harf, notre taukid. Le hu, le domir là, il va s'appeler quoi? Ism. Inna. Ism inna. C'est le nom de inna. Salafiyun, khabar inna. Khabar inna. Vous voyez? Donc le nom qui vient après inna, directement, quand c'est un nom, c'est son Ismaël. Ism inna. Et le khabar qui vient après, que ce soit une jumla, que ce soit un mufrad, ou que ce soit un jar majul ou quoi que ce soit, ça va être khabar inna. Voyez? Non. Là, c'est un exemple avec un domir. Après, on va prendre des exemples avec ism zahir, avec un nom apparent. Voyez? Mathalan, yakul ta'amen mayali. Mais dites ce qui va suivre. Inna. Zaïd, plus, ça se dit Zaïd en arabe. Zaïd, huwa, yusawi, égal, on dit yusawi, usawa, innahu. Vous voyez, quand tu mets damir munfasil, huwa avec inna, tu dis innahu. Inna, zaïd, hiya, yusawi, innaha. Inna, zaïd, anta, yusawi, innaka. Inna, zaïd, anti yusawi innaki. Inna zaid ana takul innani ou inni. Tu peux dire les deux. Tu peux dire innani, t'ayeb, ma nounay, avec deux noun, ou inni avec un noun mushaddada, avec une shadda. Thumma inna zaid hum, innahum. Inna zaid hunna, takul innahu, yusawi innahunna. Inna zaid antum, yusawi innakum. Inna zaid antunna, yusawi innakunna. Inna zaid nahnu, takul innana ou inna. Tayeb, tu peux mettre les deux. Et dans le Coran, il y en a beaucoup. Si tu remarques bien, c'est souvent très, très, très, très souvent utilisé. Naam. مثلا تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر طيب بس إنا طيب الآن يقول أدخل إنا على الجمل الآتية maintenant tu rentres إنا dans les phrases que tu vas devant toi. هو تاجر كيف تقول إنه تاجر نعم أنا طالب إني وإنني طالب نعم هم من اليابان إنهم من اليابان Antum Askiyaou. Askiyaou, c'est le djinn de Zaki. Innakum Askiyaou. Eh non, vous êtes ça, vous êtes intelligent. Hiya Mutazawwijatun. Elle est mariée. Innaha Mutazawwijatun. Non. Nahnu Muslimouna. Innana Muslimoun. Non. Ou les juifs disent Inna Muslimoun. Antum. Ou antunna mujtahidatun. Vous êtes studiante. Ou studieuse plutôt. Inna kunna mujtahidatun. Non. Hunna muslimatun. Elles sont des muslimates. Inna hunna muslimat. Anta rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Non. Anta ou anti zakiyatun. Tu es intelligente. Innaki zakiyatun. Non. هذا ce qu'on vient de prendre là c'est avec un domir. On a pris inna avec un domir. Maintenant on va prendre inna avec un ism zahir et un nom apparent qui vient derrière. يقول اقرأ الأمثلة الآتية. المدرس جديد. هنا هذه جملة اسمية. طيب une phrase nominale. المدرس مبتدا. طيب ومرفوع. ومعرفة وجديد خبر مرفوع نكرة بعده. إذا أدخلنا إنا في هذه الجملة سيوط إنا كيف نقول إنا المدرسة الآن مدرس il était مرفوع avant quand il était مبتدا mais maintenant il est منصوب parce qu'il est devenu quoi اسم إنا طيب c'est اسم إنا الاسم إنا il est منصوب donc تقول إنا المدرسة جديد. Et Jadidun, lui, c'est quoi? C'est celui-là. Khabar Inna. Fatimatu Tabibatun. Takul Inna Fatimata Tabibatun. Hamidun Mutazawwijun. Takul Inna Hamidan Mutazawwijun. Tayyib. À la fin. Yakul. Tamarin, exercice. Atril Inna. على الجمل الآتية واضبط أواخر الكلمات. Donc tu rentres inna dans les phrases qui suivent et tu mets la haraka qui correspond. الدرس صعب. Le cours est dur. إن الدرس صعب. نعم. ثانيا السيارة جميلة. La voiture est jolie. وذل. إن السيارة جميلة. نعم. القرآن كتاب الله. إن القرآن كتاب الله. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. نعم. آمنة طالبة. آمنة تجارة. إن آمنة طالبة. نعم. Pourquoi on dit pas إن آمنة؟ Je ne comprends pas double, vu que c'est un nom féminin. Au moment, dans quel genre de nom il rentre? Dans les mêmes langues. Il ne faut pas de tanouine. Tu dis Inna Aminata. Voilà Inna Aminatan. Ça c'est khata. Al-Lughatu al-Arabiyatu sahlatun. La langue arabe est facile. Inna al-Lughata al-Arabiyatu. La. Arabiyata. Non, c'est un art. سهلتون. نعم لا العربية سنعت ممكن يسويه كل ما نوت كل ما نوت للي منصوب بس كذا اسم إنا فالنعت يبقى تبعي كلوي. هذه الساعة غالية. Cette montre est chère. إن هذه الساعة غالية. نعم الاسم إنا اللي هو لا هو إن هذه الساعة غالية. الاسم إنا اللي après le nom démonstratif hadihi as-sa'ata ism inna fi hadihi et là as-sa'a on a dit que c'était quoi le ism alif wal lam vient après un ism shara c'est un quoi badal badal badal il prend un peu comme le na'at il prend le l'i'rab de ce qui est devant lui parce qu'en fait tous les deux sont la même chose le badal tayyib al-mubdal minhu le nom qui suit sont la même chose par exemple si je dis ja الشيخ يحيى مثلا. فيحيى هنا اللي بدل الشيخ. Les deux sont pareils, c'est la même personne. Si je dis Ja, Akhouka, Mohammedun. Vous voyez, enfin, Mohammedun, c'est Akhouka. Donc son badel. Donc il prend la même chose que lui. Vous voyez ? Non. Et tu verras le badel, Inch'Allah, il y a différentes catégories. Donc là, ici, l'ismina, c'est Hadihi. Mais Hadihi, c'est Ismi Shara, la harakat, elle ne change pas. Comme les domir. Ça, ça viendra après, Inch'Allah, ça s'appelle l'ism Mabni. Tu vois pas si c'est la hadith, c'est toujours hadith. Ça change pas. Tu peux mettre un harf au jar, tu peux mettre mutada, tu peux mettre fa'il, tu peux mettre maf'oul bihi, il y aura toujours une kasra. Lui, parmi certains noms, qui sont comme ça, ils changent pas. Leur afin change pas, et ça viendra plus tard, Inch'Allah. Naam. Thamilan. Bilalun ghaniyun. Bilal est riche. Inna bilalan ghaniyun. Naam. Tasian. Al-mudiru fil fosli. Le directeur est dans la classe. إن المدير في الفصل نعم عاشرا الماء بارد لو يفقد إن الماء بارد نعم donc après il te donne un khulasa récapitulatif de ce ders en disant comme on a pris au début مثلا السيارة جميلة la سيارة c'est مبتدا جميلة خبر فمن نوع entre إن dans la phrase ça va être inna sayyarata jamilatun. Donc inna c'est comme on a dit c'est harf nasb wa taukid. Wa sayyara c'est ism inna donc il est mansoub il prend une fatha. Et jamilatun c'est khabar inna. Donc la première phrase ça se traduirait par la voiture est belle et l'autre avec inna c'est certes la voiture est belle. Mafhoum hada inna? Et inna comme je l'ai dit elle a des sœurs ta anna ta ka anna فَلَعَلَّ تَلَيْتَ طيب dans d'autres kutub ils font le même travail c'est juste après chaque lettre a un sens différent طيب سابعا يقول تأمل المثالين ثم كون جملا مثلهما من الكلمات الآتية donc il te dit regarde les exemples et à partir de là tu fais des phrases similaires المثال الأول premier exemple أمينة أو أفن أمينة الهند Anta am min al-Pakistan am min Pakistan. Donc il te dit es-tu de l'Inde ou bien du Pakistan. Donc là a c'est hamza istifham. Après on avait pris kitab awwal. Et là en fait c'est une question avec un choix. Il te dit am ou am min al-Hindi anta am ça ce am là c'est où en fait. Tu dis min Pakistan es-tu de l'Inde ou du Pakistan. مثال الثاني ا طبيب انت ام مهندس donc es-tu un médecin ou bien un ingénieur donc maintenant il faut que tu passes pas avec les mots qui sont en dessous tu fais des phrases en utilisant ا et après ام pour mettre un choix entre deux choses فالاولا يقول انت مجتهد كسلان في phrase similaire انت طالب مجتهد ام كسلان il n'y a pas de talon et kaslan. C'est parmi les... Am kaslan. A-anta mujtahidoun am kaslan. Es-tu studieux ou un fainéant? Hiya as-sin al-yaban. A-hiya min as-sinni am min al-yabani? Non. Est-elle de la Chine ou bien du Japon? Salifan. Anta ou anti طبيبة ممرضة. أنت طبيبة أم ممارضة؟ نعم. Es-tu une doctoresse ou une infirmière, une soignante؟ رابعا هم نصارى يهود قاتلهم الله. آمين. أهم نصارى أم يهود؟ نعم على كل كلهم كفار نص نصراني ويهودي فهو كافر donc est-ce qu'ils sont des chrétiens ou bien des juifs طيب هذا مسجد مدرسة أهذا مسجد أم مدرسة نعم est-ce que c'est un مسجد ou bien une école هذه سيارة المدير سيارة المدرس أهذه سيارة المدير أم سيارة المدرس؟ نعم. Est-ce que c'est la voiture du directeur ou bien celle de l'enseignant, du professeur? أنت متزوج عزب؟ أنت متزوج أم عزب؟ نعم. Es-tu marié ou bien célibataire? عزب c'est célibataire. هن خالاتك أو وأبقى عماتك؟ أهن خالاتك أم عماتك؟ Donc, est-ce qu'elles sont tes tantes paternelles ou maternelles, non, ou paternelles? On a dit le khol, c'est l'oncle maternel, mais là c'est khala, donc là c'est le féminin, c'est la tante. Vous voyez, le khala, c'est la tante paternelle, ou la amma, maternelle, ou la amma, c'est la paternelle. Non. Tassian, Hua, Pakistan, Iran. أهو من باكستان أم من إيران؟ Est-ce qu'il est du Pakistan ou bien de l'Iran؟ هنا رجلون من باكستان. إن إيران دولة منافقة رافضية. عاشرا بيتك قريب بعيد؟ بيتك قريب أم بعيد؟ نعم. Est-ce que ta maison est proche ou bien loin؟ طيب هذا مفهوم أ ثم كلمة ثم أم هو ديفيني عشوة. طيب ثامنا تأمل أمثلة آتية لي ذو. دونك لو نقرا نوفو مو سي ذو. ذو يأتي بمعنى صاحب سي celui qui a quelque chose. Après en fonction de ce qui vient derrière la phrase elle peut changer. مثلا كفي قوله تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد. طيب c'est celui à qui appartient le trône majestueux. Et si tu dis par exemple toi انت رجل ذو خلق, tu es un homme qui a un bon comportement. طيب et ainsi de suite. Il dit مديرنا ذو قامة طويلة. De longue taille. Vous voyez, de longue taille. هذا دفتر ذو ورق مسطرة. Donc là, le shahid, c'est ذو ورق مسطرة. C'est que c'est un cahier qui a des feuilles lignées, avec des lignes. Et ذو, il est مضاف, et ce qu'il y a derrière, c'est quoi ? مضاف إليه. أحمد طالب ذو علم وخلق. Donc Ahmed est un étudiant qui a de la science et de bonnes manières, d'un bon comportement. هذا القميص ذو كم قصير وذاك ذو كم طويل. Donc ce camis a de longues manches, des tailles, et celui-ci a des courtes manches, des manches courtes. كم طيب c'est les manches. خامسا المسجد الذي في حينا ذو منارة واحدة. Le masjid qui est dans l'autre quartier n'a qu'un seul minaret. فهنا حما يقول ذو منار c'est-à-dire qui possède. طيب منارة c'est un minaret. Et le منارة اسم من السنة. ولو أفتى بها بعض العلماء. Mais le fait d'avoir minaret sur un masjid c'est israf al-mal. طيب ça fait gaspiller de l'argent. Et c'est pas une سنة. Même certains ulama, ils ont dit que c'était un tajabou le koufar, ça ressemble au clocher des églises. Et ouais, aujourd'hui, tu vois malheureusement plein de gens qui se concurrencent, celui qui aura le plus gros minaret. Non. Taïeb. Et vous, Tambi, vous, c'est comme Abu ou Ahu. C'est-à-dire, lorsqu'il est marfour et qu'il est moudof, il s'écrit avec un waou. Si tu vois Zou avec un waou, ça veut dire qu'il est marfour. طيب كما قلنا ابوه او اخوه لو تسمى دير ذو خلق سي بارتي دو لا ميم كاتيجوري نو سي الاسماء الخمسه سته اون بو دير خمسه اوسي سته سا سي سا فيندرا ان شاء الله من الكتاب اي ايزون دي بارتيكولاريتي دون ليرلوب C'est quoi leur signe de leur irlab? Ça viendra plus tard, inchallah. En tout cas, Zou, il en fait partie. Taïb, Zou en fait partie. Taïb, Yakoul. Ikra al-amsilata, thumma hawil al-jumlata al-atiya mislaha. Donc, tu lis les exemples et tu transformes les phrases qui suivent de la même façon. Mathalan, hadha at-talibu zou khuluqin. Après, il vient avec le pluriel. Taïb, maintenant tu apprends c'est quoi le pluriel de zou. Zou c'est wahid, muzakka. Taïb, fajamuhu zaou. Fatakul, haoulaï, attulabu zaou khuluqin. Jim, yakul, hadi at-talibatu zat khuluqin. Donc zat, c'est le mufrad muannas. Son pluriel, son singulier féminin. Tu dis zat. Hadi talibatu zat khuluqin. Et le pluriel féminin, c'est haoulaï talibat zawat. Tayeb zawatu khuluqin. Donc tu fais pareil avec hada rajulu. Zou Malin Kassirin. Comment tu vas dire le jam? En fait, c'est un homme qui a beaucoup d'argent. Haoula irrijal Zou. La. Bifatha al-Zal. Fatha. Zou. Nam. Malin Kassirin. Nam. Wal Mouannef. Hadihi. Mar'a. Al-Mar'a. Al-Mar'a. Zatu. مال كثير نعم هؤلاء نساء ذوات مال كثير نعم طيب donc le singulier masculin c'est ذو le pluriel masculin c'est ذاو le singulier féminin c'est ذات et le pluriel féminin c'est ذوات. Et comme je t'ai dit, ce nom-là, il vient tout le temps en moudof. Donc derrière lui, tu as un moudof ilayhi. Voyez. Maintenant, regarde. On va prendre la'alla. Comme on avait pris dans le ders. Voyez, dans le ders, on avait pris quoi? C'est qui? C'est Hashim. Il dit Kayfa haluka ya oustaz la'allaka bi khayr. Voyez. Enfin, maintenant, on va prendre l'exercice avec ce la'alla. Et la Allah min akhawat inna, parmi les sœurs de inna. Elles font le même travail. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans une jumla ismiya et elles changent l'umtada qui devient son ism et son khabar qui devient son khabar à elle. À la Allah. Mathalen, l'outakul, Zaydun qa'imun, Zaydun est debout. Sur la Allah, ça va faire comment? La Allah Zaydan qa'imun. Donc là, Zaydan, il va être ism la Allah. Wa qaimun khabar la'alla. Comme inna, c'est la même chose. Juste là maintenant, c'est quoi le sens de la'alla? Le plus fréquent, c'est l'itaraji. Une chose que tu espères, que tu souhaites. Vous voyez? Ou une chose qui est possible. Par exemple, tu dis Namshi il est Mohammed la'allahu fil bayt. On va voir Mohammed, il se peut qu'il soit à la maison. Vous voyez? La'allahu fil bayt et il se peut qu'il soit à la maison. On espère qu'il soit à la maison. Ça peut être aussi al-ishfaq. Une chose que tu crains. Par exemple, tu dis Ma raina Muhammadan la'ala ou marid. Nous n'avons pas vu Mohammed, je crains qu'il soit malade. Il se peut qu'il soit malade, mais là, c'est qu'une crainte. Vous voyez? Et également, ça peut être, comme dans le Coran, pour le ta'lil, une cause. Par exemple, Ya yuleze amalu, kutiba alaykum siyam, kama kutiba alazina min kablikum, la'allakum tattakun. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme ceux d'avant vous, afin que vous craigniez. En fait, c'est pour, en fait, une cause. Vous voyez? Mais le plus souvent, c'est le premier, taradji. Une chose que tu espères et qui est possible. Naam. Donc, il dit, Atri la'alla al-jumal atiya ilman bi'anna la'alla min akhawet inna. Vous voyez? Sachant que la'alla, parmi les sœurs de inna, donc, elles ont le même travail. Huwa bi'khayr. Donc là, tu vas faire comme inna, quand tu mettais huwa derrière, ça fait comment? Innahu. Enfin, là, tu vas dire comment? La'allahu bi'khayr. La'allahu هم بخير لعلهم بخير هي بخير لعلها بخير هن بخير لعلهن بخير أنت بخير لعلك بخير أنتم بخير لعلكم بخير أنت بخير لعلك بخير أنتن بخير. لعلكن بخير. أنا ناجح. ناجح c'est j'ai réussi en fait. J'ai réussi. لعلي ناجح. أو لعلني. نعم. ناجح. Attends, j'ai un doute. لعلني. Je sais plus si. Je sais qu'il y en a qui prend pas de coréen. Je sais pas si c'est لعل. Parce que j'ai pas d'exemple avec لعلني. Tu vois, j'ai un doute. Est-ce qu'il prend de nouveau coréen là? Ça aura agir, ça coule la grade, Inch'Allah. طيب فلن تقول لعلي طيب قل لعلي حتى نتأكد نحن ناجحون هذا هو الفريال de la phrase précédente لعلنا ناجحون نعم المدير في غلفته attention maintenant t'as اسم ذوي لعل المدير في غلفته نعم الاختبار سهل اختبار c'est امتحان c'est examen L'examen est facile. لعل الاختبار سهل. نعم. طيب. هذا مفهوم. حادي عشر. Onzièmement. اقرأ المثالين ثم أكمل الجمل الآتية بوضع غال أو غالية في الأماكن الخالية. C'est-à-dire qu'il veut que tu mettes le mot غالي. غالي à la base c'est غالي. C'est-à-dire cher. Mais lorsqu'il est ناكرة, il s'écrit qu'un تنوين. Pourquoi ça vient plus tard ? Ça s'appelle l'ism mankous. Il y aura un dirs propre à cette règle, Inch'Allah. Et son féminin, c'est Ghaliya. Vous voyez, Ghaliya. Donc il dit maintenant, il veut que tu mettes ce mot-là dans la place qui correspond, dans les phrases qui sont en bas. Mathalan, yakul, Hazal qalamu ghalin, avec le tanouin. Asluhu, l'origine, c'est Ghali, avec un ya. Et comme je t'ai dit, lorsqu'il est nakira, lorsqu'il est nakira, vous voyez, il s'écrit avec un tanouin. Donc, Naam. Et, comme je dis, Ghalin, là il est Nakira. Et le tanouin qui a sur Ghalin, c'est pas. Yani. Du fait qu'un tanouin d'un ism Nakira. Il y a une cause particulière, comme je te l'ai dit, qui viendra dans un autre terme, Inch'Allah. طيب ça c'est le masculin هذا قلم غال والفيمينا هذه الساعة غالية donc maintenant tu mets غال dans les phrases qui viennent dans les trous الكتب العربية في بلادنا غالية نعم donc les livres arabes sont chers dans notre pays هذا الكتاب رخيص وذاك وعليكم السلام تفضل هذا الكتاب راخص نعم وذاك غالي Donc ce livre n'est pas cher et celui-là est cher هذا المعجم بمية ريال هو غالي نعم donc ce dictionnaire معجم c'est un dictionnaire ça peut être قاموس ça peut être معجم donc Ce dictionnaire est de 100 riyal. Il est cher. Hadi el haqibatu. Ghaliyatun. Naam. Donc, cette valise, ou ce sac, voyez, est cher. Sanya Achar. Ikra el misalein, summa ikra el jumal atiya, bad zalika, uktubha, ma kitabati el a'dad, el wadati fiha, bil huruf. Maintenant, on va prendre quoi ? Il veut que tu écrives le nom, en fait le dénombré qui vient après 100. Nous, on avait pris quoi ? On avait pris les adab de min wahid et la ashara. On avait dit que wahid, lorsqu'il vient, souvent il est na. Tu dis djar, je le nom wahid. Isnein, on a dit quoi ? On emploie le musanna. On rajoute un alif ou un noun à la fin. Salain, tu dis rajulani, pour dire deux hommes. Tu dis pas isnein al-rijal, tu dis rajulani. Et de Falatha il est Ashara, on avait dit quoi ? Que le Mardoud, le dénombré, Yukhalif el Adad fil Tafkir wa Ta'anis. C'est-à-dire qu'il le contredit dans s'il est masculin, lui va être féminin. Et s'il est féminin, il va être masculin. On a dit aussi que el Mardoud, le dénombré, il est Jam, il vient en Jam, et il est Moudaf ilayhi. Par exemple, tu dis Salastu Kutubin. Et tu vas dire Salastu Sa'atin. Enfin, maintenant, comme je t'ai dit, chaque étape dans les nombres, elles ont des règles différentes. Maintenant, Mia, Alf, il est arrêté d'Alika. T'as les têtes des nombres quand c'est 100, ou ça va être 200, 300, ou 1000, 2000, 3000, il est arrêté d'Alika. Le dénombré, le Mardoud qui vient derrière, il va être Mufrad, l'apparence en Mufrad, et Mudaf Ilay. Vous voyez, Mufrad et Mudaf Ilay. Maintenant, t'as cool. Indi, Miyatu, Kitabin. Vous voyez, Miyatu, Kitabin. Et là, qu'il soit Mouzakar ou Anas, c'est pareil. Mia, il reste Mia, avec un thème arbotant. Tu dis pas Minou, tu dis Miyatu. Vous voyez, donc là, il faut que tu retiennes que le dénombré qui vient après Mia, il est Mufrad, c'est pas un djinn. Et ça, c'est un truc dans lequel on patouche beaucoup les francophones ou anglophones ou quoi, parce que chez nous, le dénombré, il est en pluriel. Donc souvent, tu vas entendre un frère qui va dire, il dit Miyat Koutoub. Enfin, quelqu'un va dire, non, c'est pas Miyat Koutoub, c'est Miyat Kitab. Il va dire, ah oui, c'est là, j'ai oublié en arabe, ça reste en singulier. T'as même ? Donc, Mestalem, il dit, Mia, il s'écrit comme ça. Vous voyez, l'écriture de Mia, c'est comme tu le vois là. Avec un med après le mim, et après un hamza, et après un marbouta. Mia, Miyatu, Rajulin. Donc Mia, c'est un moudof, et Rajulin, c'est un moudof ilay. Et tu dis, Miyatu, Imra'atin. Vous voyez, donc Mia, il est moudof, et Imra, moudof ilay. Comme tu peux constater, il reste à la même forme que le mardoud, comme au zakal au moins neuf, il est pareil. Ça ne change rien. Contrairement à Salafa et Ashara. Et Alf, c'est pareil. Tu te dis Alf Rajulin. Tu dis Alf ou Rajulin. Alf, il va être Moudof. Et Rajulin, Moudof Ilay. Comme tu diras Alf ou Imra'atin. Vous voyez Alf, il est Moudof. Imra, Moudof Ilay. Et il reste masculin. Il ne change pas. Le dénombré du masculin au féminin, en tout cas le Adad en lui-même, il ne change pas. Il reste pareil, masculin. Enfin, maintenant, lui, il veut que tu écrives les autres de 1 à 5 avec les chiffres, avec les lettres à point. Lui, il a écrit, par exemple, Alf avec les chiffres, il a fait un 1 et 3, 0. Toi, tu dois l'écrire avec les Hurouf. Et Adad, ça compte Filbeit. Salif Hachar. Il dit Kawin Jumalen Mustarmalen El Kalimat El Atiya. Donc, compose des phrases en utilisant les mots suivants Zaki, Mi'a, Mutazawij, Azel, Khulouk, Dora, Ghalin. Voilà, avec Azalik les Radin, Inch'Allah. Et Hawil, un tout topic ma khazna. Essaye d'appliquer ce qu'on a appris. Tu mets Inna, tu mets la Allah pour t'entraîner, tu vois. Inch'Allah. Taïb El Kalimat El Tadila. Un nouveau mot. Zaki Yun, qui veut dire intelligent. On dit Askiyaou. Et il est Mamdoum Nassarf. Comme Ulamaou, Asdikaou, Fukaraou, Bouzaraou. Vous voyez ? La même règle. Toujours au-dessus. Rabi Yun. Rabi, c'est être bête. Vous voyez ? T'as connu ta rajoute Rabi. Vous voyez ? C'est-à-dire que t'es bête. Et le djem, Arbiyaou. Masalan, Al-Salafi, Zakiyoun, ou Al-Hizbi, Rabiyoun. Vous voyez ? Al-Haq, là ? Taïb, Khulouk. Taïb, Khulouk, ça s'applique sur manière, comportement, mœurs. Masalan, Khulouk et Taïb, c'est le bon comportement, les bonnes manières. Le djem c'est akhlaq. Taïb, akhlaqoun. Akhlaqoun. Après il y a l'adad, miyatoun. Taïb, alfoun. Miyat c'est 100. Alf c'est 1000. Rubiyatoun, c'est le rubi. C'est la monnaie indienne qu'on utilise en Inde. Et le djem, rubiyatoun. Prends-le comme règle. Toutes les umlah, tout ce qui est monnaie, son djem c'est un djem ou un nafal. Tu mets un alif et un kara. Vous voyez, Dora, c'est-à-dire Dorarat. Ah, mais Euro, je ne l'ai pas entendu jusqu'à présent. Euroilat ou Eurowat, Je n'ai pas entendu jusqu'à présent. Normalement, c'est toutes les umla, tayyib, riyal, riyalat. Ah non, ta dinar, c'est dananir. Il n'y en a pas dedans. Je pense que les monnaies, souvent les monnaies arjamiya, je pense, les monnaies non arabes, en général. Quand l'euro, je n'ai pas entendu en fait jusqu'à présent. Est-ce que tu dis euro wat ou madri, je ne sais pas comment on dit. Non. Tazawaj, c'est celui qui est marié. Et l'axe, azan. C'est le célibataire. Et le jam, c'est azan. Tu peux dire ozem aussi. Il y a plusieurs jams. Tu verras les mots ont plusieurs pluriels. Yahoudi, c'est le singulier de Yahoud. Mourjam, c'est un dictionnaire. Son jam, c'est ma'ajim. Et il est ma'amnoum nasarf. Comme Masajid, Mafatih. Donc tu ne mets pas de tanouine. Dora, c'est le dollar. Le djem, Dorarat. Djem ou Anas, Salim. Tu rajoutes un alif et un T à la fin. Safha, c'est une feuille, ou une page, plutôt. Parce qu'une feuille, c'est Waraka. Donc Safha, c'est une page. Et le djem, c'est Safahatun. Safahatun. Najih, celui qui a réussi. Yep, celui qui a réussi. Son djem, Najihun. Et djem ou Zakar Salim. Tu rajoutes un waou et un nom à la fin. Comme muslim, muslimoun. Ghalin, on a dit, c'est, ça veut dire cher. Et kum, c'est les manches. C'est une manche. Kum, avec un shedda sur le mime. Kum mun. Yep, c'est une manche. Et le djem, akmamun. Yep, akmamun. فبهذا انتهينا من هذا الدرس الأول وفيه الخلاصة من أخذنا إن طيب ونفقي إن حرف نصب وتوكيد وندي كو إغان دون الجملة إسمية et qu'elle transforme المبتدا comme étant son اسم à elle et le خبر comme étant son خبر à elle et son اسم il est منصوب et son خبر il est مرفوع on a pris لعل c'est les mêmes règles juste le sens qui change on a pris ذو طيب qui veut dire صاحب une chose qui te revient. On a pris le dénombré de, après Mia. Et on a pris aussi comment faire une stifam avec Ertière. Une question avec un choix. Eh, anta min kada, am min kada. Vous voyez? Avec Ahmad et Stifam. La dédicace, ouais? T'as une question? Voilà. Fa naktafi biha. Walhamdulillahi rabbil alamin.